boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir dans Pop and Rock, j'ai décidé de nettoyer ma bibliothèque musicale iTunes. Je télécharge tellement de musique depuis tant d'années qu'il fallait bien qu'un jour cela arrive. J'ai viré les doublons et les bizarreries qui s'étaient invitées dans mon Mac. Et puis, je suis tombé sur des titres, des petites perles que je n'avais jamais ou presque jamais écoutées. Adrian Lenker qui vient d'ouvrir notre 138e Pop and Rock est la première perle que j'enchaîne avec un titre du divin dandy grand breton que je vous propose avec The Night Chancers de Baxter Jury. And my spare thoughts, you left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. You left me in hotel and more. Boring stories is all I need. And the fine wine diners trying to prize money from me. Prizing money from imaginary donors past the point of relevance, that's all I see. And I'm crazy, I'm trying to sleep. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. My hands are dripping in cold, cold coffee. And the crumbs are stuck to my optics. You left me. call me from a taxi, telling me how good I can be and how much you miss me. But you're a kilometer away. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. Baxter Jury, si je l'écoute régulièrement, le titre éponyme de son album sorti en 2020, The Night Chancers, je ne l'avais jamais écouté. Par contre, Big Star, qui arrive tout de suite pour deux morceaux, je ne sais toujours pas comment ils ont atterri dans mon iTunes, mais ce soir, je suis heureux de vous proposer Big Star pour deux titres. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake. De Big Star, c'est dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Time, but you gotta get used to it. Quelques mois dans Pop & Rock, nous découvrions le dernier album des genoux à la culture rock solide de Big Thief. Je vous proposais alors d'écouter Contact ou encore Cattails, mais j'oubliais le titre Arrange. Erreur corrigée tout de suite en version live. Allez, petite entorse dans ma programmation de ce soir, un deuxième titre de Big Thief que nous avons déjà partagé, mais que j'aime, alors on s'envoie Big Thief avec Strange. Guess you didn't hear me when I told you for the first time. Don't you worry, none, it won't be the last. All I need are a floorboard and a wooden shoe. Step aside and let my lady through. Hey, foot, straw foot, lowly laying down. Hey, foot, straw foot, covering ground. See, the high priest, he took my place. When the judge looks at me, he sees a son's face. Not gonna join you in your Tower of Babel, boy. Tired of that talking, I'm sick of that noise. Hey, foot, straw foot, lowly laying down. Hey, foot, straw foot, covering ground. Yeah. Not alone, looks can be deceiving. When we get down to it, you're talking when you should be leaving. I've been in Nebraska, you reminded me of Spain. All the questions loaded, all my answers same. Hey, foot, straw foot, lowly laying down. Hey, foot, straw foot, covering ground, yes. Thank you. Let us not mince our words, let's say it true this time. I need your forgiveness, just like you need mine. Tell me how it is that you don't want what is given. It ain't no sin, boy, to be forgiven. Hey, foot, straw foot, low we lay him down. Hey, foot, straw foot, covering ground, yeah. David Eugene Edwards, comme Big Sif, là, on tombe dans l'estampillé pop and rock, comme d'ailleurs le titre qui arrive, mais promis, après on repart dans le nettoyage de ma bibliothèque musicale, mais pour le moment, on écoute le groupe de Dan Werbach, les Black Keys, avec le petit sous-marin noir. Little black submarines operate up here. Put me back on the line. I told my girl voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Time. Well, I wanna go to a place I can hide. Well, you know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling? Get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. That a broken that a Allez, reprenons le fil des découvertes des perles rock cachées au fond de mon Mac. Et si les Bleachers qui arrivent n'appartiennent pas à ce que je préfère, j'ai dégoté I'm Ready to Move On, qui a la grande particularité d'accueillir une invitée surprise. C'est Yoko Ono qui donne un côté décalé à ce morceau des Bleachers. À présent, remontons à 1967, et si à cette époque Steve Jobs n'avait pas encore eu l'idée de iTunes, les Box Tops, quant à eux, chantaient The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby has to wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to whip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, here a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to whip me a letter. My baby used to whip me a letter. Écoutez ce soir dans Pop & Rock, rendez-vous sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Citizen Cop, je me demande vraiment comment ce groupe a atterri dans ma bibliothèque musicale et je m'interroge d'autant plus que c'est leur album entier qui s'est infiltré. D'ailleurs, je me demande aussi comment Lance Jr., titre de la ricaine Courtney Barnett, s'est glissé jusqu'à moi, peut-être juste pour que je le partage avec vous. Resuscitated all of my hopes. Foster the People, vous connaissez ? Moi, pas du tout, mais alors pas du tout. Pourtant, quand j'écoute le titre qui arrive, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Pub, bande originale d'un film ou d'une série, aucune idée. Que pour Foster the People, avec le titre que nous venons de partager, le How to Save a Life de The Fray me parle, mais chut, on écoute. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, as he goes left. Along in the bay. get past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. À la lettre G de ma bibliothèque musicale, l'étonnant Greta Van Fleet. Ça pue encore les années 70, pourtant juré, ça date de 2021. Le premier épisode du nettoyage de ma bibliothèque musicale touche à sa fin, je n'en suis qu'à la lettre I, donc promis, bientôt dans Pop and Rock sur RVR, nous reprendrons cela avec d'autres perles rares à partager comme Irma, qui arrive, et sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, bis à tous. I talk to you.